Le porte-carte de Paul Marguerite. Chapitre 1er. Georges Nist, mécontent de son travail, jeta ses pinceaux et s'habilla pour sortir. Ses habits, d'une coupe élégante et sobre, moulaient un corps souple. Son visage franc, ses cheveux et moustaches en brosse, la grâce d'un regard et d'un sourire très particuliers, lui donnaient un air d'officier intelligent et bon. Il se dirigea vers le Bon Marché, non tant pour acheter que pour examiner de vieilles soies signalées par un ami. Peut-être pourrait-on en draper des modèles. Il aimait aérer dans la cohue de ces vastes bazars dont l'éclat chatoyant amusait ses yeux. Bien que mai s'ouvrit, le temps était d'automne et mou. Il avait plu. Les arbres d'un petit square s'égouttaient sur les promeneurs et les nourrices. Le vent, d'une douceur fade et effleurant la feuille, baignait les gens d'une sorte de langueur fluide qui les rendait plus légers. Des réverbères s'allumaient dans le jour. Cette heure de flânerie et de rêve dégageait un grand charme, mais aussi un péril, car Nist sentait s'y dissoudre ses nerfs. Il oubliait tout travail, et son âme flottait à la dérive, dans un accès de sentimentalité vague que taquinait l'espoir et le désir de l'imprévu. Que deux fois, sans précisément souhaiter la fortune ni la gloire, il avait espéré un grand bonheur qui lui tomberait du ciel. Par exemple, la résurrection d'un vieil ami parti pour l'Amérique et disparu depuis des années. Ou bien la rencontre et l'amour d'une femme, l'élu qu'on cherche sans la trouver. Quelquefois, ce bonheur insolite ne se formulait même pas, restait en fumée. Un coup de foudre tomberait qui bouleverserait le cours de sa vie. Mais bien qu'il l'épiât au coin des rues, sur le visage des passants ou dans le sillage d'une jolie femme, jamais il n'avait rencontré le hasard prévu. Des aventures sans issue ou des liaisons banales s'étaient seules offertes. Son honnêteté, d'ailleurs, l'empêchait d'aller trop loin. D'y penser, une légère mélancolie lui vint, et au seuil du Bon Marché l'arrêta. À quoi bon entrer ? Cette foule anonyme ne lui réservait qu'une bousculade et des coups de coude. Pas une rencontre amie, ni même un joli regard d'inconnu à espérer, les femmes dardant leurs yeux hypnotisés sur les occasions tentantes d'achat. Irrésolu, il allait rebrousser chemin quand, dans le brouhaha des voitures et des camelots, il vit s'approcher deux dames, une vieille et une jeune, en deuil. La plus âgée, grande et rouge, le nez en bec de perroquet, un duvet noir aux lèvres et la mâchoire proéminente, paraissait austère et redoutable. À côté d'elle, l'autre n'était qu'une enfant, avec sa blancheur de lait, ses cheveux paille et ses yeux veloutés, un peu tristes, de fleurs. Très simplement mise, elle gardait dans sa robe noire une grâce fine et touchante. À cinq pas de Nist, elle rencontra son regard et le soutint avec candeur. Il la vit comme s'étonner, rougir et perçut dans ses yeux ce bref éclair de sympathie qui s'allume au choc d'affinités spontanées et fugitives entre deux êtres. Mais cette petite lumière s'éteignit, et Nist, comme elle allait le frôler, crut voir sur ce délicat visage l'expression d'un découragement et d'une faiblesse qui suggérait l'envie de la protéger contre quelqu'un ou quelque chose qu'elle semblait craindre. Il fut touché. Elle venait d'entrer, derrière son chaperon, dans le Bon Marché, et il revoyait encore l'azur de ses yeux dolents, leur âme mouillée, comme si elle avait envie de pleurer. Il pressentit un de ces chagrins muets qui circulent tous les jours à travers l'indifférence de la vie. L'air de victime de la jeune femme et l'aspect revêche de la vieille l'intriguaient. Il se demandait quel lien de parenté les unissait, et il s'élança derrière elle. Mais pendant qu'il se dépêtrait de la pousser d'entrée, elles avaient disparu. Il regarda, déconcerté, autour de lui, chercha dans le moutonnement des têtes et l'oscillation des corps de la foule s'il ne distinguerait pas la douce vision. Il rencontrait des yeux qui n'étaient pas les siens. Il apercevait des silhouettes en deuil qui la rappelaient vaguement. Tout à coup, comme il allait désespérer, il la reconnut à trois pas de lui, devant un comptoir, attendant qu'on lui délivrât un de ces numéros d'ordre qui facilitent les achats et les rendent plus rapides. Imiter cet exemple fut pour lui l'affaire d'un instant. Rien ne l'empêchait plus de la suivre et de s'arrêter aux mêmes stations en feignant d'examiner les articles, en achetant au besoin. Le hasard fit, à cet instant, qu'elle tourna la tête de son côté, et une étincelle, en le reconnaissant, lui partit des yeux. Sans doute, elle n'avait pas cru le revoir. Peut-être rentrait-il déjà, pour elle, dans la grisaille morte, dans les limbes d'oubli où fondent les visages anonymes qui nous ont frappés une seconde. Cette furtive étincelle signifiait à n'en pas douter. « Tiens, ce monsieur que je ne connais pas et qui a l'air si bon et intelligent est encore là. Bonjour, monsieur l'inconnu, et adieu. » Elle accompagna cela d'un autre regard, involontaire et désolé celui-là où Nist lut « Je ne suis pas heureuse, et personne ne viendra à mon secours, vous, pas plus qu'un autre. » Il n'en fallut pas davantage pour qu'il se décidât, au risque de faire fausse route, à suivre cette piste mystérieuse et à pénétrer, s'il le pouvait, le secret de cette vie jeune, triste et jolie. Il suivit donc de près les deux dames, de peur qu'elles ne lui échappassent, tout de bon cette fois. Par un instinct qui ne trompe jamais, sans même se retourner, l'inconnu devina sa présence, et Nist, qui aimait à se représenter les sensations d'autrui, pensa « Elle est troublée et se demande si je vais réellement la suivre. Mais ne va-t-elle pas croire à une inconvenance, me prendre pour un de ces goujats qui talonnent les femmes ?» Cette crainte lui fit ralentir le pas. La jeune dame, ne le percevant plus derrière elle, profita d'un moment où sa compagne examinait des étoffes pour se détourner vivement et lancer à la dérobée un regard inquiet et un peu déçu. En retrouvant les yeux de Nist, qui s'était arrêté également, elle ne sut quelle contenance tenir. Heureusement que sa surveillante l'entraînait. « Il est donc là pour moi, » se dit-elle. Cela lui fit plaisir, bien qu'elle n'attendît rien. « Mais il va croire que je fais attention à lui, me juger effronté. » Ce soupçon la couvrit de confusion. Elle rougit, et songeant qu'il pouvait s'en apercevoir, elle rougit encore plus, jusqu'à la racine des cheveux, jusqu'au lobe des oreilles. Il y avait tant d'honnêteté dans cette pudeur que Nist fut rassuré sur l'ingénuité de la jeune femme, au cas où la vanité masculine, qui craint toujours d'être dupe, lui eût inspiré la moindre défiance. « Elle est charmante, vraiment charmante, » se dit-il. Il se demandait qui elle pouvait être. À la ganterie, elle tendit sa fine main nue à un commis cravaté de rose, au sourire fat, qui prit sa pointure en lui écartant les doigts. Cette familiarité déplut à Nist. Il eut l'enfantillage d'être jaloux. La vieille dame, à son tour, présentait des mains énormes, auxquelles le commis, toujours galant, enfila des gants de peau de chien. Elle laissait apparaître sa vulgarité. Sa lippe bougonne, son marchandage hostile trahissait une origine bourgeoise. Nist ne put croire qu'elle fût la mère de l'autre, tout au plus une tante, et de province encore. Comment ces deux existences s'étaient-elles rivées l'une à l'autre? D'indéfinissables indices, en effet, témoignaient que ce n'était pas une circonstance fortuite qui appariait ces deux êtres, mais un lien continu et tenace à travers lequel s'attestait, d'une part, la tyrannie d'une âme médiocre, de l'autre, la dépendance d'une volonté faible, mais assez élastique pour rebondir au besoin. Car, à une observation que lui adressait son garde du corps, Nist la vit répondre par un regard et d'un mot qui semblèrent clore le débat. Était-ce parce qu'il était là qu'elle osait résister? Cette illusion singulière, d'ailleurs parfaitement fondée, exalta sa résolution de la suivre jusqu'au bout. Elles allaient au rayon des chaussures. L'encombrement y était tel qu'elles durent prendre des chaises, attendre leur tour. Caché derrière un pilier, il put examiner à son aise la taille cambrée de son héroïne. Elle ne l'avait plus regardée une seule fois, mais son maintien prouvait qu'elle se savait observer. Une délicieuse gaucherie s'y nuançait de coquetterie naïve. Rassurée par la présence de son guide, et encore plus par la discrétion respectueuse de Nist, elle se laissait aller au plaisir de se sentir distinguée par lui, préférée à toutes les femmes qui passaient, et dont certaines étaient plus jolies qu'elle, ou mieux mises. Une demoiselle en tablier de serge vert s'agenouilla pour la déchausser. Nist remarqua la petitesse de son pied, mais elle le retira bien vite d'un mouvement de honte, car elle portait des bas chamois un peu déteints par le lavage. Il ne vit rien que de touchant dans ce petit fait, cet aveu forcé d'une vie stricte, sous une apparence de confort. Mais elle prit, dès ce moment, un air de gêne et de malaise qui ne la quitta plus. Il fut désolé, des scrupules l'assaillirent. Était-ce bien délicat de s'immiscer ainsi dans ces détails de toilette féminine? Et pourtant, il ne pouvait celer le regard vif qu'il avait eu à percevoir, sans inconvenance, un tout petit peu de sa personne. Son embarras s'accrut, ces dames montaient à la lingerie. Quelle mine ferait-il à palper des camisoles et des jupons? L'intimité du linge l'arrêta. Heureusement que, par un instinct de pudeur semblable, celle qui lui inspirait déjà un si pressant intérêt se refusa à toute acquisition. Il le comprit aux signes de tête par lesquels elle répondait à l'insistance de sa compagne. Celle-ci acheta une robe de chambre gros bleu qu'elle endossa par-dessus sa robe en se tournant et retournant devant une glace. Cela la rendait si ridicule, avec un air de majesté, que la jeune femme et Nice ne purent s'empêcher d'échanger un regard d'intelligence. Par contre-coup, elle devint rose, tandis qu'il souriait imperceptiblement. Mais il eut le tort de ne pas détacher ses yeux d'elle assez vite. La vieille dame l'aperçut, plantée bien en face, et les dévisageant avec insistance. Se rappelait-elle l'avoir déjà vu? Courroucée, elle le toisa d'un roulement d'yeux méprisant, en mâchonnant. Ce fut comme si elle lui disait « Passez votre chemin, imbécile !» Elle se retourna ensuite, avec une expression très aigre, vers la jeune femme qui s'empressa, pour déguiser son trouble, de l'aider à retirer la robe de chambre qui l'empêtrait. L'autre semblait la gronder, et Niste eut le regret de les voir s'éloigner rapidement. La vieille se retournait de temps à autre pour s'assurer s'il ne les suivait pas. « Tant pis, se disait-il, j'en aurai le cœur net. Où demeurent-elles? Qui sont-elles? Je le saurai. » Par prudence, pourtant, il déguisait autant qu'il pouvait sa poursuite, à l'abri des vitrines et des mannequins, plongeant par à-coups derrière les dos de ceux qui le précédaient, et craignant à chaque instant de perdre de vue la petite robe noire et la nuque blonde. Un dernier stage devant la parfumerie le décida à s'aventurer encore. Elle y achetait de la poudre de riz et du savon à la violette. D'un air détaché, passant tout près d'elle, il fit choix d'un grand flacon d'eau de Chypre, sans paraître faire attention à la vieille dame, qui, se raidissant à sa vue, lui dardait un regard de défi avec une moue de bouledogue. Il les laissa descendre, accoudée à la rampe de l'escalier, s'assura qu'elle se dirigeait vers la sortie, descendit en hâte, et au moment où son ennemi, le croyant distancé ou perdu, remettait son numéro d'ordre à la caisse, Niste y présentait également le sien et sortait derrière elle. Il avait espéré qu'elle donnerait tout haut leur adresse, mais cette formalité ne fut pas nécessaire parce qu'elle l'avait remplie à leur entrée. Il resta donc penaud. Allait-il les suivre dans la rue, à distance respectueuse jusqu'à leur maison, et après, interroger leur concierge? Il n'eut pas l'embarras du choix. La nuit tombait, et sur le trottoir, où pleurait une averse, la grosse dame faisait des signes désespérés au cocher. Héler une voiture, l'amener sous un réverbère, ouvrir la portière, ne fut qu'un jeu pour Niste. Il se retourna alors vers la vieille bourgeoise, qui, ayant cru que le cocher obéissait à ses injonctions et arrivait pour elle, s'élançait déjà. Elle s'interloqua en se voyant devancée. Mais il s'effaça, très courtois, et dit en se découvrant légèrement « Montez donc, madame, je vous en prie. » Elle recula, stupéfaite, en le reconnaissant encore comme un diable sorti d'une boîte. Mais il répéta d'une voix si respectueuse et si décisive « Daignez monter, madame !» qu'elle hésita. Puis, l'instinct pratique et la peur de se mouiller l'emportèrent, et en maugréant, elle s'engouffra dans le fiacre par un élan égoïste qui la fit monter la première. Niste vit alors la jeune femme toute pâle, si troublée en sa présence qu'elle lui fit pitié. Refrénant une envie absurde de fermer la portière et de l'enlever devant tout le monde, il lui offrit la main pour monter. Elle n'osa toucher cette main et la frôla seulement, se blottit dans le fiacre avec une vivacité d'oiseau peureux. « Madame, souffla-t-il tout bas, vous perdez votre porte-carte. » Il lui glissait un petit carnet en cuir de Russie qu'elle prit précipitamment, dans un émoi qui ne lui laissait pas le temps de réfléchir. Nist, derrière la portière refermée, la saluait très bas, tandis que par l'autre côté sa compagne criait « Rue du Luxembourg !» Mais il n'entendit pas le numéro. La voiture partit, et il restait immobile, comme surpris, et un peu sot de ce qu'il avait osé. Ce qu'il venait de tendre à la jeune femme, par une inspiration aussi folle que son geste spontané, ce n'était pas son porte-carte à elle, mais le sien, à lui, contenant son nom et son adresse.